Merci Marie-Hélène. 15h30, Culture Société, c'est maintenant le magazine d'archéologie de France Culture, le Salon Noir. Que reste-t-il des Incas? La question mérite d'être posée. Leur culture, voire certains d'entre eux, auraient-ils pu survivre à l'arrivée au joug de notre vieille Europe? Pour cela, il nous faudra plonger dans les vieilles chroniques andines, décrypter quelques textes, mais aussi jauger les sources, enfin analyser les faits archéologiques. À l'occasion de l'exposition « L'Inca et le Conquistador » du musée du Quai Branly, qui ouvre aujourd'hui ses portes, j'ai en face de moi Paz Núñez Reguero et Patrice Lecoq. Bonjour. Bonjour. Paz Núñez Reguero, vous êtes la commissaire de cette exposition consacrée au Pérou, à la fin du monde Inca, à la terrible conquête espagnole qui détruisit ce vaste empire. Habitué du Salon Noir, Patrice Lecoq, vous êtes maître de conférences à l'Université de Paris 1 et sur le terrain, dirigez des fouilles. Vous serez donc aujourd'hui notre grand témoin. Paz Núñez Reguero, on connaît tous l'empire Inca. Pour autant, y a-t-il un peuple ou des peuples incas? Alors les deux sont vrais, disons. Il y a bien sûr un peuple inca, c'est ce groupe qui se développe donc dans les hautes terres du Pérou, autour de la ville de Cusco. Et ce groupe donc va commencer une expansion importante au milieu du XVe siècle, sous le règne du souverain Pachacuti. Et ce souverain va mettre en place un empire extrêmement vaste qui va atteindre en 1532 une surface très importante qui va donc du nord de l'équateur au centre du Chili. Donc c'est une surface, une superficie très très grande qui intègre divers groupes ethniques et ces différents peuples incorporés à l'empire vont progressivement se nouer aux Incas et élaborer des pratiques communes. Ceci dit, il y aura des peuples qui resteront toujours très indépendants et qui seront difficiles à soumettre. Les Incas, c'est la phase terminale d'une longue histoire. Il y a bien eu d'autres cultures au préalable? Oui, bien sûr. Ils viennent à la fin d'une très longue série de développements culturels qui débutent donc environ au deuxième millénaire avant notre ère avec la grande culture de Chavín et qui donc va ensuite se suivre sur plusieurs millénaires, toujours avec une alternance entre des périodes où on a une domination importante par un groupe ethnique sur l'ensemble de la région et ensuite des périodes de division politique et également aussi beaucoup de communication entre ces cultures qui se développent le long de la côte péruvienne et les autres cultures qui prennent essor dans les hautes terres voilà, du Pérou. Donc tout un réseau d'échanges et des cultures qui ont de tout temps échangé entre elles. On va beaucoup parler de Pizarro. Pizarro est-il encore de nos jours un symbole du Pérou contemporain? Oui, ça reste une figure dominante dans la société péruvienne contemporaine. C'est en quelque sorte le père fondateur de la patrie. Et en même temps, c'est une figure très controversée. Pour beaucoup, elle cristallise en fait le début des inégalités sociales. C'est la conquête du Pérou marque donc la naissance de la nation péruvienne. Et celle-ci donc débute avec des vainqueurs, les Espagnols, qui donc vont prendre le dessus sur les vaincus, les Incas et les autres cultures andines. Pizarro a toujours ses sculptures le représentant au Pérou ou petit à petit on a essayé de l'éliminer d'un peu de l'histoire quand même vu qu'il était très prégnant? On ne peut pas l'éliminer de l'histoire. Hein. C'est une figure qui sera toujours là, qu'on la veuille ou pas. C'est vrai qu'il y a eu toute une histoire, notamment autour de sa statue équestre qui ornait en fait la place centrale de Lima et qui a fait, était à l'origine de beaucoup de débats. Fallait-il la garder dans cet endroit qui lui faisait honneur? Et finalement, cette sculpture a été déplacée en 2004 et réinstallée dans un parc un petit peu éloigné sans son piédestal et sans ses plaques commémoratives. Ceci dit, encore une fois, c'est quelqu'un qui est très important dans l'histoire périvienne et que l'on tente progressivement de réévaluer. Comme n'importe quelle personne, il avait ses points forts, ses points faibles, et il a commis beaucoup d'atrocités, mais qu'il faut toujours replacer dans le contexte de l'époque. Et voilà, donc c'est quelqu'un qu'on ne pourra pas effacer et qui reste effectivement présent encore aujourd'hui. Tout comme Atahualpa, bien sûr. Patrice Lecoq, est-ce que l'on peut penser que Pissarro au Pérou a été aussi violent que Cortés chez les Aztèques ? Oui, on peut considérer, il y a un parallèle à faire entre les deux, puisqu'en effet, avant d'arriver au Pérou, c'est-à-dire quand il a débarqué en Colombie notamment, ce qui est aujourd'hui l'Équateur, il a soumis pas mal de populations, il a essayé de recueillir des informations sur les Incas. D'ailleurs, ça a été la même chose du côté Inca, puisque les Incas savaient que les Espagnols débarquaient en Amérique du Sud avant même qu'ils arrivent au Pérou. Il a soumis des populations. Et puis par la suite, on peut dire que une grande partie de ce qui s'est passé, les gens ont été tués. C'est exactement la même chose avec les Incas. C'est-à-dire les Incas, lors de la rébellion, lorsque les Espagnols arrivent, il y a une guerre civile qui oppose deux Incas, qui sont Atahualpa et Huascar, et qui met la région à feu et à sang. Et donc les Espagnols vont profiter de ces dissensions entre les différents membres des élites incas pour pouvoir occuper le territoire. Et donc on peut dire qu'en effet, que ce soit d'un côté ou de l'autre, il y a eu des exactions, des méfaits qui se sont faits. En tout cas, un fait est là. En 1580, la population du Pérou a diminué de moitié. Pourquoi ? Bon, c'est dû à différents facteurs. Il y avait notamment les épidémies, effectivement, les maladies contagieuses qui sont venues d'Europe, qui ont fait des ravages et qui ont d'ailleurs provoqué la mort du souverain Huayna Capac, donc le père d'Atahualpa et de Huascar, les deux frères qui vont donc s'opposer pour le trône inca. Et ensuite, il y aura effectivement la maltraitance des colons espagnols qui vont faire travailler les indigènes d'abord dans les réductions d'abord dans les encomiendas, ensuite dans les réductions et ces systèmes, donc de ces contingents indiens qui étaient attribués à des colons espagnols et donc qui permettaient d'avoir une force de travail et en échange de laquelle les colons devaient proposer une évangélisation à ces populations. Patrice Lecoq, les mines étaient très importantes, une sorte de travaux forcés dans des mines qui étaient sacrées d'ailleurs pour les Incas. Alors tout ce qui touche aux mines dans les Andes est très important parce qu'on touche un aspect sacré et on touche aussi à ce qui était extrait des mines, c'est-à-dire l'argent ou l'or. Et il faut dire qu'on a deux conceptions qui s'opposent. Les Espagnols voyaient dans l'argent ou dans l'or une monnaie, une espèce trébuchante qu'il fallait ramener. Et donc, c'est pour ça qu'ils ont conquis le Pérou, puisque c'était un endroit où il y avait énormément de richesses à ramener. D'ailleurs, lorsqu'ils sont rentrés, on parle du quinto, du cinquième de l'argent qu'ils ont ramené, qui devait être dédié au roi d'Espagne. Mais en même temps, pour les Incas, l'argent était sacré. L'or était considéré comme étant la larme du soleil. Il y avait un aspect religieux, un aspect rituel derrière. Et les Incas, lorsqu'ils ont conquis les territoires, ce qu'ils recherchaient, c'était obtenir de l'or de façon à pouvoir l'offrir aux divinités. Et l'Inca lui-même était la représentation du soleil. Alors, toutes les montagnes et les mines étaient ce que l'on appelait des huacas, c'est-à-dire des sortes de représentations de l'esprit des ancêtres qui se manifestait par ce qu'on trouvait à l'intérieur de la terre. Et l'or était considéré comme de petites pépites, comme une sorte de plante qu'il fallait donc encourager, un petit peu comme l'homme qui se développe, qui naît et après qui meurt. Donc il était très important de respecter ces divinités. Alors les plus importantes sont les mines de Porco et les mines de Potosi. On parle souvent des mines de Potosi qui étaient la plus grande mine d'argent connue dans le Nouveau Monde. Et on raconte d'ailleurs que si on devait aujourd'hui essayer de savoir quelle est la quantité d'argent extrait par les Espagnols, on pourrait construire un pont d'argent entre l'Espagne et le Cerro Rico à Potosí. Donc oui, c'est une quantité énorme d'argent qui a été ramenée par les Espagnols. Mais en même temps, ces mines étaient considérées comme des ancêtres. Et entrer dans la mine, pour un Indien, c'était aussi aller rendre hommage à cet ancêtre dont il était issu. Donc on a un regard croisé qui va s'établir. C'était en même temps un endroit difficile pour travailler. Beaucoup d'Indiens lui ont laissé la vie, énormément d'Indiens lui ont laissé la vie, puisqu'ils étaient obligés d'aller extraire le métal. Et d'un autre côté, c'était une sorte de rituel pour aller rendre hommage à la divinité. Donc ce premier regard croisé envers les divinités des montagnes. Pas une Reyero. La conquête du Pérou, c'est aussi une guerre fratricide entre conquistadors. Oui. La conquête du Pérou est quelque chose de très complexe parce qu'effectivement, Patrice l'a évoqué, il y a au moment de l'arrivée des conquistadors cette guerre entre deux frères pour le trône inca. Et en parallèle, on a donc beaucoup de rivalités entre Pizarro et les lieutenants qui l'accompagnent. Pizarro a tout d'abord un associé qui s'appelle Almagro, et qui va l'aider dans toute son expédition, et qui malheureusement n'est pas présent au moment de la capture du souverain inca Atahualpa. Donc à Cajamarca, donc cette ville où est capturé l'inca, va être assemblé un énorme butin d'or et d'argent, et il est convenu que n'en bénéficieront que les conquistadors qui ont participé à la capture de l'inca. Donc on aura dès le départ un premier déçu, Almagro, et vous aurez d'autres lieutenants qui, donc au cours de l'histoire de la conquête du Pérou, vont être des rivaux potentiels. Après la mort d'Atahualpa, donc le grand inca, hein, Pizarro mourra lui-même le 26 juin 1541 des mains espagnoles. Voilà, donc Almagro, que l'on vient d'évoquer, s'est finalement révolté contre Pizarro en 1537 et a mené une guerre contre la faction pizarriste. Les frères Pizarro est accompagné de quatre de ses frères dans cette expédition au Pérou, va finalement capturer Almagro et le faire exécuter. Et c'est son fils, le fils d'Almagro, qui va organiser donc l'assassinat de Francisco Pizarro à Lima en 1541. Patrice Lecoq, on sait que l'histoire est toujours écrite par les vainqueurs. Ce qui est étonnant dans cette histoire, c'est qu'elle se répète. Ainsi, les Espagnols installent au début de leur arrivée un grand inca de pacotille, notre Philippe Pétain en quelque sorte. Oui, on pourrait le voir un petit peu comme Philippe Pétain. Enfin, c'est un peu différent dans le sens que c'est un inca qui va être choisi par les habitants de Cusco après la mort d'Atahualpa. Et lorsque les Espagnols vont arriver à Cusco, ce jeune inca va se présenter comme étant le descendant de Huanacapac, c'est-à-dire le grand-père. Et il va rester au pouvoir un certain temps. Et puis très vite, voyant les exactions que vont commettre les Espagnols, qui ne vont pas respecter, qui vont piller les tombeaux, qui vont piller les richesses du Temple du Soleil qui se trouve à Cusco, il va décider de réagir. Donc il commence à réagir, les Espagnols le font prisonnier à deux reprises, en demandant une rançon. Et puis, il va profiter du fait que les Espagnols vont, lorsqu'ils vont partir pour conquérir ce qui est aujourd'hui le Chili, pour se rebeller. Donc, il va organiser le siège de Cusco, puis en même temps le siège de Lima. Malheureusement, je dis malheureusement parce que, bien sûr, les Espagnols continuent à bénéficier de l'appui, de nouveaux Espagnols vont arriver sur le territoire. Et donc, finalement, ces sièges vont très vite tomber en désuétude. Et l'Inca lui-même va être obligé de se réfugier, de partir, de laisser Cusco et de se réfugier dans la montagne, dans le nord de la région de Cusco, à Vilcabamba, une région qui est aujourd'hui sacrée. Et ils vont rester là pendant près de 50 ans. Ils vont établir un régime, une sorte de régime fantoche, en quelque sorte, pour les Espagnols. Ils vont organiser des rébellions et des querelles. Et à chaque fois que les Espagnols vont essayer d'entrer dans Cusco, ben, ils seront toujours soumis à ces raids lancés par les Incas. Les Espagnols, de leur côté, vont, une fois que Manco Capac sera parti, vont élire d'autres Incas, donc des Incas de pacotille, des Incas qui leur sont fidèles. Ce sera le cas notamment de Tupac Hualpa, ou d'autres Incas, comme Carlos Inca. Et beaucoup plus tardivement, c'est-à-dire vers 1571-1572, le dernier Inca qui était parti en résistance dans la cordillère de Vilcabamba sera capturé suite à des traîtrises entre les Espagnols et les Incas. Il sera ramené à Cusco et il sera écartelé. Et c'est le dernier Inca, et à partir de là, on peut dire que les Incas n'existent plus. Vous l'avez dit, Patrice Lecoq, les Incas fuiront vers des centres de la cordillère de Vilcabamba. C'est le fameux Machu Picchu, c'est tout ce genre de site. Alors oui, c'est important, Vilcabamba, parce que c'est un lieu mythique. C'est lié aussi à Machu Picchu. Alors on ne sait pas ce que c'est Machu Picchu, on pense que c'est une citadelle de l'un de ces derniers Incas, peut-être de cet Inca, Manco Inca, Manco Capac, qui s'était réfugié. Et c'est intéressant parce que dans les années 1912, quelqu'un comme Bingham, cet archéologue américain qui est à l'origine de la découverte de Machu Picchu, va bien sûr chercher cette cité légendaire que personne ne connaissait si ce n'est dans les mythes et dans les chroniques rapportées par les Espagnols. Et bien sûr, il ne va pas trouver cette cité, mais il va trouver Machu Picchu. Et pendant très longtemps, il va croire que Machu Picchu, c'était l'endroit où s'était réfugié le dernier Inca. Et il va falloir attendre un certain nombre d'années pour montrer, c'est lui-même qui d'ailleurs, en parcourant la région de Vilcabamba, au bout de quelques années, va s'apercevoir qu'il existe en effet, au nord de cette région, le site de Vitkos, dans la cœur de Vilcabamba, qui est vraiment l'endroit où s'étaient réfugiés les derniers Incas. France Culture, le Salon Noir. Vincent Charpentier. Il y a aussi le site de Choquequirauqui. C'est bien ça? Alors, non, c'est pas tout à fait ça. C'est le site du Berceau du Soleil, Choquequirauqui, où j'ai travaillé. On a d'ailleurs fait une émission il n'y a pas très longtemps, qui est un site qui avait été encouragé par la France, notamment après un échange, une reconnaissance de date avec le Pérou, où j'ai travaillé pendant près de 4 ans. Et c'est intéressant parce que c'est un site, là aussi, lié au soleil, d'après son nom, le Berceau du Soleil. Et il semblerait, d'après les recherches qui ont été menées, qu'il s'agissait en effet d'un lieu sacré, qui était lié au dernier Inca, vraisemblablement. Paz Núñez Reguero, les Incas ont-ils, dans toute leur diversité, collaboré aussi? Oui, il y a eu des cas très très différents. Vous parliez justement de ces Incas fantoches. Au tout début, lorsqu'ils sont nommés par les Espagnols, ces Incas pensent qu'ils peuvent s'appuyer sur justement leurs nouveaux alliés, les Espagnols, pour assainir la situation de guerre civile qui frappe leur empire. Donc ils vont mettre quelque temps à comprendre que les Espagnols sont le réel danger. Et d'ailleurs, Atahualpa, pendant sa capture à Cajamarca, va faire exécuter son frère Huáscar, qu'il tenait prisonnier, sans comprendre que le vrai risque était les Espagnols. Donc on va avoir donc ces souverains qui vont tenter de s'allier à eux. Et il y aura aussi toute une partie de l'élite qui va tenter de conserver son statut en s'alliant à ces gens-là. Il y aura notamment beaucoup de femmes incas qui vont donc prendre pour époux des colons espagnols. Donc c'est une situation assez particulière, la conquête du Pérou, parce qu'on pense toujours qu'elle est très ponctuelle. On résume ça à la capture d'Atahualpa par Pizarro. Et en fait, on a entre 1532 et 1542, avec la création de la vice-royauté du Pérou, 10 ans au cours desquels on a une situation très particulière avec des multiples alliances qui se mettent en place. L'Inca, le grand Inca Atahualpa, sera tué après avoir donné une énorme rançon. Où est-elle passée? Alors, cette rançon a été divisée, répartie entre les différents conquistadors. Et il y avait également une part qui était due au roi d'Espagne. Hein. Il y avait dans ses conquêtes dans les Amériques, 1/5 des richesses rasiées qui revenaient au roi d'Espagne et qui étaient donc envoyées à Charles Quint à l'époque. Donc, ces pièces ont souvent été assez rapidement fondues. Et ces fontes étaient donc contrôlées, notées, pour ensuite avoir des archives qui permettent justement de vérifier que notamment le roi avait bien eu sa part. Une partie de cette rançon envoyée à Charles Quint a vraisemblablement été envoyée sous forme d'objets également, mais les pièces ont vraisemblablement été fondues assez rapidement. On est à un moment où l'empereur mène plusieurs guerres en Europe et il a besoin de liquidités. Donc on n'a pas de reste, en tout cas matériel aujourd'hui, de cette rançon. C'est une perte archéologique considérable? Oui, c'est une perte impressionnante parce que la production orfèvre inca était vraiment très variée. On a des descriptions assez sommaires, malheureusement, de ce qu'étaient ces temples remplis de figurines d'or et d'argent. Mais donc aujourd'hui, on a vraiment des maigres restes de cette production qui devait être vraiment spectaculaire. Et Atahualpa avait rempli une pièce entière d'or, c'est bien ça? Alors, une pièce entière d'or et 2 pièces d'argent. Donc quelque chose de phénoménal. On calcule qu'il y a eu donc entre environ 6 tonnes d'or et 12 tonnes d'argent rassemblées à Cajamarca. Regardons les sources, cela commence assez mal. Les sociétés andines sont anépigraphes, c'est-à-dire qu'elles n'ont pas d'écriture? Voilà, elles n'emploient pas l'écriture pour transmettre des données, ce qui ne veut pas dire qu'elles n'enregistrent pas des faits historiques et des informations comptables. Elles ont mis en place en fait un système très sophistiqué de cordelettes nouées que l'on appelle quipu et qui permet d'enregistrer un nombre faramineux vraisemblablement de données par la qualité des fils, la façon dont les fils sont filés, par la façon dont sont faits les nœuds, par la couleur aussi des ficelles. Et malheureusement, ces quipus sont en cours de déchiffrement, mais on n'a pas encore complètement réussi à les lire. Ce sont donc des témoignages oraux qui seront recueillis par quelques chroniqueurs espagnols? Oui, donc la vraie difficulté de cette période de la conquête, c'est qu'on a surtout des sources espagnoles. Alors, on a des sources, des témoins oculaires des événements de la conquête. Donc, c'est par exemple le secrétaire de Francisco Pizarro qui va faire raconter ce qui s'est passé, ou même Hernando Pizarro, l'un de ses frères, qui va écrire une lettre très intéressante racontant les faits. Mais à chaque fois, c'est des récits très biaisés en fonction de ce que l'on veut mettre en avant, soit sa personne, soit des faits, etc. Il y aura aussi des Espagnols qui plus tard raconteront ce qu'ils ont entendu dire. Et du coup, les versions andines de cette conquête sont beaucoup plus rares. On aura en particulier un chroniqueur très important qui s'appelle Juan de Betanzos, qui va rédiger un récit qui est le premier qui intègre des informations plus précises sur les Incas. Juan de Betanzos est un chroniqueur qui s'établit au Pérou et qui va épouser Cusirimay Oclo, qui avait été donc l'une des épouses d'Atahualpa et qui était devenue une concubine de Pizarro. Et après la mort de Pizarro, cette princesse Inca va donc épouser Juan de Betanzos et le chroniqueur va utiliser toutes les données rapportées par sa femme pour écrire son histoire des Incas. Patrice Lecoq, cette collecte des chroniqueurs débute dès l'arrivée des Espagnols. Une sorte de souci ethnographique ? Oui, on pourrait dire que c'est la première vision donnée par les chroniqueurs. Donc, les chroniqueurs sont considérés, ou même les gens qui ont participé à la Conconne, comme les premiers ethnologues. Il y a quand même un bémol, dans le sens qu'ils décrivent ce qu'ils voient, donc ils retracent leurs premières impressions, ce qui est le fait le plus notable, mais sans vraiment de recul. Et il faudra attendre la deuxième génération des chroniqueurs pour avoir un certain recul, et notamment pour comprendre un petit peu quel a été l'impact des Espagnols sur les populations, quels ont été les méfaits des guerres, ce qu'il s'est passé. Donc pour un ethno-historien, ce qui est intéressant, c'est de pouvoir confronter les deux données, à la fois les données les plus anciennes et les données les plus récentes. Et puis bien sûr, par la suite, ce sont les données rapportées par les explorateurs, mais on pourrait dire que les premiers Espagnols sont des sortes d'ethnologues de l'époque. Et je voudrais rajouter quelque chose sur les quipus présentés par ma collègue Paz, puisque les quipus, ce ne sont pas simplement des données chiffrées qu'ils nous présentent, mais ils nous permettent aussi d'avoir le nom des principaux souverains et les généalogies. Alors bien sûr, ce sont les généalogies présentées par l'Inca régnant. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'un Inca arrivait, il y avait le responsable des quipus, qui est une sorte d'historien local. Mais il était très facile de pouvoir tuer ou de réécrire l'histoire au profit de l'Inca régnant. C'est quelque chose qui vraiment s'est fait. Et donc, on a simplement une vision troquée de l'histoire. Mais c'est intéressant parce que ces généalogies étaient récitées lors de réunions qui avaient lieu la nuit, un petit peu comparables à ce que l'on observe un petit peu à Java aujourd'hui, avec le Vayankulit, avec le Mahabharata, ou ces épopées qui durent toute la nuit et qui racontent l'histoire indienne. Et là, c'est ce qui devait se passer. C'est-à-dire qu'y racontait les légendes et en même temps, on prenait place dans ces légendes les Incas tels qu'ils étaient présentés dans l'histoire. Je reviens sur les cordages que l'on décrivait il y a quelques instants, ces cordages avec des nœuds et avec des ficelles de différentes couleurs. Est-ce que l'on pourrait être en face d'une véritable écriture, d'un véritable système binaire, par exemple ? Oui, c'est un système binaire. Alors, aujourd'hui, c'est un système qui a été étudié, notamment par des anthropologues américains qui travaillent dessus. On sait que c'est un système binaire avec un système de nœuds. On avait trois types de nœuds. Des nœuds longs qui représentaient une unité, des nœuds simples représentant les autres puissances de 10, et en même temps vous avez un nœud en 8 qui ressemble un petit peu au nœud de marin, qui permettait de marquer une unité. Et le 0 était connu, était indiqué par l'absence de nœuds dans un groupe. Et comme l'a souligné ma collègue, vous aviez aussi les couleurs, la position, l'emplacement des cordelettes qui permettaient de lire ces quipus. Alors le problème aujourd'hui, on sait à quoi ça servait. On sait que ce sont des données numériques, mais on a perdu le fil conducteur. Les premiers témoignages des chroniqueurs, ils ont travaillé avec ce qu'on appelle les quipus camayocs, c'est-à-dire les savants, les amotas, qui étaient capables de lire ces quipus. Mais malheureusement, ces savants sont morts, et on a aujourd'hui la trace archéologique. Mais c'est comme si on disposait aujourd'hui d'un ordinateur, on sait que c'est un langage binaire, mais on serait incapable de comprendre la procédure dans 50 ans, 100 ans, etc., du langage Java, par exemple, qui est utilisé pour coder. Et donc, on est en phase d'un système, on a les quipus, mais on était incapable de comprendre ce système qui est un moyen mnémotechnique qui s'appuie sur une perception de l'espace, une perception des cordes. Et là, donc, je pense que c'est très difficile de pouvoir relire les codex, ces codex péruviens. Et puis les Incas ont inscrit leur passé ancien, leurs mythes, leurs odes sur des supports textiles, des tablettes de bois dont rien ne subsiste aujourd'hui. Alors c'est le cas notamment des textiles. Les textiles constituaient dans les Andes un langage à part entière, très important, Mais malheureusement, une grande partie des textiles a été détruite après la conquête espagnole comme étant une représentation des anciens cultes. C'est le cas aussi des kérous. Les kérous, ce sont des coupes de bois que l'on retrouve encore dans certains musées. Alors, la plupart des kérous actuels sont des kérous qui datent de la période coloniale, qui ont échappé à l'auto-da-fé, qui n'auraient pas été décrits, mais sur lesquels on retrouve certaines légendes, certaines représentations des Incas qui permettent aux archéologues de reconstituer. On sait aussi qu'il y avait des tentures, on sait aussi que certaines scènes mythiques étaient retracées sur le mur de certains édifices ou sur les peintures. Par exemple, à Choquequelo, dont on a parlé tout à l'heure, on a des terrasses murales, tout un système de terrasses avec des caravanes de lamas qui, semble-t-il, correspondraient à un calendrier. La fameuse roche sacrée, l'Intihuatana, cette sorte de cadran solaire que l'on trouve à Machu Picchu, est aussi une sorte d'écriture. On sait que c'était un cadran solaire, mais on ne sait pas le lire. Les chroniques espagnoles portent sur une vaste gamme de sujets militaires, politiques, voire juridiques. Ceux qui excitent bien sûr ma curiosité sont bien entendu ceux liés à l'extirpation de l'idolâtrie. De quoi s'agit-il exactement, Patrice Lecoq ? Alors, l'extirpation de l'idolâtrie, c'est quelque chose qui arrive bien après la conquête, notamment lorsque le vice-roi Toledo, qui est envoyé d'Espagne pour restructurer un petit peu après la guerre civile et après la guerre fratricide entre les différents Espagnols, ils vont essayer de restructurer le pays. Et donc les Espagnols, et notamment les prêtres, vont adopter tout un ensemble de panoplies pour prêcher les évangiles et remettre les Indiens dans le bon chemin. Et malheureusement, ça va s'accompagner d'un certain nombre de lois, de façon à pouvoir déchiffrer, localiser les anciennes huacas, c'était les lieux de culte, de façon à ce que ces lieux de culte soient christianisés. Alors la plupart du temps, on détruisait ces lieux de culte pour mettre dessus une croix. C'est ce qui s'est passé aussi au Mexique. Mais dans d'autres cas, surtout à la période un peu plus tardive, après Toledo, on va assister à une lutte systématique où la plupart des objets qui renvoyaient au passé précolombien, donc aux idoles qui étaient considérées comme des émanations du diable par les Espagnols, seront détruits. Alors on peut dire que tout ne sera pas détruit aujourd'hui encore. Si vous allez dans les mines, et notamment la mine de Potosí ou la mine d'Oruro, vous trouvez à l'intérieur de la mine une divinité qui s'appelle El Tío, qui est une divinité forte de diable, le soupaille. Donc c'est une divinité espagnole, puisque c'est un diable avec le phallus en érection, il a des cornes. Mais lorsque le mineur entre dans la mine, la première chose qu'il va faire, c'est rendre hommage à cette divinité pour acquérir sa protection. Naissons là encore un regard croisé. Cette divinité n'est ni plus ni moins qu'une divinité beaucoup plus ancienne qui était adorée par la mine et que les Espagnols n'ont pas pu détruire. Et donc, qui se transparaît. On a aussi la Vierge qui prend l'apparence de montagne. Le Cerro Rico est une Vierge. Et la plupart du temps, on a des montagnes sacrées qui prennent l'apparence de Vierge. Donc, c'est ce regard croisé entre Espagnol et population andine. Paz de Núñez Reguero, ma culture inca, je la dois bien sûr à Werner Herzog. Étonnant film centré sur les conquérants, leur turpitude, Dieu et leur destin. Donc vous faites allusion au film de Aguirre, La fureur des dieux, qui est un film vraiment extraordinaire et que j'aime beaucoup, puisqu'elle présente très bien ce qu'est la vie de ces conquistadors, qui sont vraiment des entrepreneurs qui misent tout sur les conquêtes à venir. Et donc c'est un film qui, je pense, parle pas beaucoup des Incas, mais plutôt de ces explorateurs qui vont survivre à des conditions extrêmement dures. Une dernière question, que reste-t-il aujourd'hui des Incas ? Aujourd'hui, il reste une histoire fabuleuse, des monuments en pierre impressionnants et beaucoup de productions qui ont quand même été conservées malgré les vicissitudes de la conquête espagnole. Merci beaucoup. Et puis je rappelle donc le titre de l'exposition « L'Inca et le conquistador » qui ouvre aujourd'hui au musée du Quai Branly. Archéologia, partenaire du Salon Noir, se consacre ce mois-ci à Palmyre. Palmyre sous le joug de Daesh, mais aussi aux découvertes de la vallée des rois en Égypte et à celle du delta du Nil. Enfin, à une exceptionnelle collection de Mésoamérique portant sur l'art Olmec, à lire donc absolument dans la revue Archéologia. Le Salon Noir a été réalisé par Vanessa Nadjar, à la technique Jean-Richard Dufour, attaché d'émission Catherine Donnet. Vous pouvez bien entendu écouter ou podcaster cette émission sur la page du Salon Noir, sur le site franceculture.fr où retrouvez plus de 200 archives de l'émission sur le site inrap.fr. Mais dans quelques instants, les nouvelles vagues de Marie Richeux.